Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et nous, nos invités, si vous nous rejoignez maintenant dans Pantoufles Explosif, ce sont Benjamin Hizel et Adrien Berthaud. Ils viennent pour nous parler de leur spectacle issu de secours. Alors... Ouais, je faisais couper la caméra. Allez là, votre allez, caméra. Alors, pour que nos auditeurs vous connaissent un peu mieux, on va parler de vos parcours. Il va craquer, hein. Ouais. T'en peux plus, hein. Oh non, non. Tu sais avec qui je fais l'émission. Ah, c'est vrai. Alors, regarde. Benjamin. Non, attends, apparemment, Léa, elle s'en fout de voilà. Pourquoi mais t'écris non, mais ils sont horribles. Laissez-la tranquille, c'est votre moment. C'est vrai, ok. C'est votre moment. C'est votre moment. Benjamin, tu es en tes 7 ans au conservatoire municipal de musique de Nice. Ouais. C'était un le mec va te pourrir ta promo. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. C'était un vrai choix de ta part ou tes parents t'ont obligé à faire un vrai choix. Hello Kitty. C'est ça. Ou tes parents t'ont un peu forcé à faire des études. Non, écoute, c'était conservatoire de piano, il y avait rien de spécial, hein, rien de hyper chaud là-dedans, j'ai fait du piano quoi, c'est tout. D'accord. Voilà, conservatoire de Nice. Un peu de temps en temps, ouais, pour le kiff. Oh, il est bon piano. Voilà. Alors après ces études, tu as travaillé dans différents villages de vacances. Exactement. Alors quels souvenirs tu en gardes? Je dirais les gonzesses. Ouais. Tu avais quel âge? J'avais 21 ans. Ah, ça va. Ah, c'est belle. Ouais. Ouais. J'avais 14. Non, j'avais 21 ans. J'ai travaillé pendant 8 ans. C'était cool. Et alors, qu'est-ce que t'as appris dans ces villages de vacances? Beaucoup, beaucoup de scènes en fait. T'apprends beaucoup de choses, mais t'apprends beaucoup à faire la scène et tu t'apprends à ne pas dormir aussi. tu vis quoi en fait. Et ce qui est cool, c'est que t'es vraiment détaché de tes parents assez rapidement parce que t'as un appart, t'as de la bouffe. Donc tout de suite, tu peux partir de chez toi. Et à 21 ans, c'est hyper kiffant quoi. En 2011, tu arrives à Paris. Yes. Alors, quelle formation tu as suivi à Paris? Alors, à Paris, j'ai suivi une école de comédie musicale, en 13e. Voilà. D'accord. Et c'est là que j'ai rencontré Adrien. Donc, oui. École de comédie musicale, dit chant, dit danse, dit théâtre. Et on se tape là. Voilà. Et d'ailleurs, on a pu te voir dans différentes comédies musicales, comme Le Reflet de Peter Pan. Ouais. Et tu as également joué dans Lendemain de Cuite. Non, j'ai écrit Lendemain de Cuite. Ah, tu as écrit, d'accord. Ouais. Mais par contre, tu as joué dans Ma femme s'appelle Maurice. Oui. Tu jouais qui dans Ma femme s'appelle Maurice? C'était une troupe amateur. On est parti en Bretagne, en Normandie. On a fait des petites dates de tournée. C'était ma vraie première expérience de théâtre en tant que comédien, quoi. Voilà. D'accord. Et tu jouais quel rôle? Je jouais Monsieur. J'étais un couple alsacien. Je sais plus exactement comment il s'appelait, mais c'était un couple alsacien qui arrivait pour récupérer son appartement. Enfin, c'était un truc un peu insolite et un peu bien cool, quoi, en tout cas. Tu as également fait de la mise en scène. Oui. La pièce Ma sœur est un chic type. Oui, exactement. Ouais, je mettais en scène Adrien qui est juste à côté de moi. Ah, c'est lui, d'accord. C'est lui, ouais, exactement. Salut. Et également Marnie qui est une bonne pote à nous. On l'a joué deux fois cette pièce en showcase en Bretagne. Et ouais, c'était un gros kiff de mettre en scène ma première pièce. Donc voilà. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre à la mise en scène? Depuis toujours, en fait. Depuis toujours. En fait, si tu veux, au club, j'ai fait beaucoup de spectacles avec les enfants, les choses comme ça. Donc c'est vrai que t'apprends à mettre en scène directement. On te dit, vas-y, tu dois faire un spectacle. Donc t'es obligé. Et arrivé sur Paris, je voulais jouer, mais j'avais envie de garder cet aspect mise en scène. C'est vraiment ce qui me touche le plus. Alors, tu l'as dit, tu es également auteur. Oui. Tu as écrit Enfer et contre tout. Ouais, co-écrit. Ouais. Avec, co-écrit, drôle, avec... co-écrit avec Georges Belair, le metteur en scène de Issue de secours. Oui. Et tu es l'auteur également de Un toit pour trois qui se joue actuellement à Paris. Au Mélo d'Amélie, ouais. Ouais. Alors, tu peux nous en dire deux mots peut-être? Alors, Mélo d'Amélie, la pièce Un toit pour trois, c'est trois filles qui se trouvent, elles sont obligées de loger dans le même appartement, tout simplement. Ça part, voilà, on comprend le titre directement. En gros, c'est une pièce musicale. Déjà, avec trois filles, trois comédiennes, et ça part dans tous les sens, voilà, tout simplement. J'ai pas envie de vous en dire plus. Faut aller voir. Voilà. Adrien, toi. Oh là là. Attends, j'ai envie d'éternuer. C'est le musical qui te donne envie de faire de la scène. Alors, ça, c'est une bonne vanne, ça. N'éternue pas dans le micro. Par contre, c'est pas du tout le musical qui me donne envie de faire de la scène. Ah, écoute, refaites votre dossier de presse, les gars. Je sais pas qui s'occupe de vous. Je m'adapte, vas-y, envoie. C'est le musical. D'accord, bon, vas-y, c'est pas grave. Je vais enchaîner alors. Je sais pas qui s'occupe de vous. C'est le mec, il a essayé de se moquer de moi au piano. Non, j'ai dit le contraire, j'ai dit que t'étais très bon au piano. C'est vrai, j'aime beaucoup. Ah, c'est ok, ça me touche. Moi aussi, ça te touche. D'accord. Okay. Alors dessus. Tu prends des cours de théâtre, c'est bon ça? Ouais. Dans le 13e arrondissement, exact. De Paris. Ouais. Alors, c'était quelle école? C'était une école de comédie musicale. C'était avec Benjamin. D'accord, c'est là que j'ai rencontré. Il se fout de ma gueule en plus. Non mais c'est la vérité. Non mais ce que je veux dire, qu'en fait c'est pas le musical qui D'accord, m'a. D'accord, mais c'est marqué ça dans le dossier de presse. C'est pour ça moi. Non mais je oui. Après... Les gars, je vous connais pas les mecs. Non mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Benjamin, Adrien, on joue Issue de secours. C'est tous les lundis soirs à 20h30. Ah merde, nous voulons Eric et Ramzy. Et on c'est le planté. Musical qui t'a donné. Alors quelle pièce de donc musical? On va rester sur le musical, ouais. Alors, c'était une école musicale. Ouais. C'était ta dernière phrase. C'est ça, c'était de comédie musicale. Ah, c'est ça qui me gêne, voilà. C'est que je te dis, c'est une école de musicale. En fait, bon, c'est une école de comédie musicale. Oui, de musical, you know. Ah, musical. Mais oui, les gars. Il faut s'adapter. Et après cette école, tu as enchaîné beaucoup de spectacles, notamment au théâtre Le Bout. Ouais. J'ai fait plein de spectacles pour enfants. Alors, tu as fait quoi au Bout? On est passé là-bas. Le Prince Bombay. C'est ça. Moi, j'y suis pas allé. C'est ça, les rôles du prince. Il y a plein de spectacles pour enfants. Comment ça s'appelle déjà? La princesse au petit pois dans la tête. Avec Christophe Le Retour avec Johan Chabot. Exactement, ouais. Exactement. Écrite par Martin Leloup. Les livres de Martin Leloup. En vente directement après le spectacle au prix de. Pour la mode somme. C'est le prix du ticket en fait. Non, moi, nous voulons la pointe, nous n'avons pas de monnaie. Alors en 2015, tu joues dans Je ne veux pas mourir idiot, ouais. De Georges Wolinski. Ouais, au théâtre Déjazé, c'est une super expérience et c'est grâce à Georges Belair. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Et ce mec-là, en fait, il m'a donné une chance extraordinaire, c'est qu'il m'a donné la possibilité de jouer le rôle qu'il jouait lui-même 45 ans plus tôt. C'est génial. Oh, donc, c'est beau ça. Super émouvant. Tu rentres sur scène, tu fais le gangster, mais en fait, pas du tout. T'es avec des pointures. Donc il y avait Philippe Auguste, Séverine Ferrer, Georges Belair, Guillaume Aidé. Et Fabien Martin. C'était une super expérience pour moi. C'était vraiment l'introduction sur une vraie scène parisienne. Bah, ouais. J'étais ému à fond, quoi. J'ai donné tout ce que j'avais dans le bide. Et c'était une super expérience. Ah, t'as vomi ? Ouais, c'est ce que je voulais dire. En coulisses. Alors, et vous deux, alors racontez-nous votre rencontre, tous les deux. Bah, en fait, il marchait. Et, Il l'a vu au ralenti. J'ai vu ce beau petit cul. Je me suis dit. Très bien, la première fois que j'ai vu. C'est une soirée. C'est la première fois qu'on a des invités homosexuels. Alors, racontez-nous donc. Non, mais tu vois, ouverture sur le monde, tu vois. Sur la lune. Oui. Tu vois, voilà. C'est pour ça que quand je descends dans le sud, mes potes ils me disent hey, Adrien, au fait. Quoi, Adrien, les gars? Oh, c'est mon pote. Non, mais en fait, on était ensemble dans l'école et on a commencé à faire des petites scénettes ensemble pour les cours de théâtre. Et on s'est rendu compte qu'on kiffait vraiment à fond sur scène. On avait vraiment l'osmose. On rigolait à donf, quoi. Et puis, naturellement, ça s'est mis en place. Et puis, Georges Belair, notamment notre professeur, nous dit les gars, faut écrire un spectacle. Ouais. Il a une meilleure voix. En fait, à la fin d'année, on a fait un gala où on a présenté justement, on a fait les faux maîtres de conférences. Et donc on a présenté cette soirée. Et c'est de là, en fait, on a fait des petits sketchs, des choses comme ça. Et c'est de là où il y a tous les profs qui sont venus nous voir, dont Georges Belair qui nous a dit les gars, si vous écrivez pas un spectacle maintenant, c'est pourri quoi. Faut y aller quoi. Faut envoyer. Faut écrire votre spectacle. Et donc le spectacle s'appelle Issue de secours. Exactement. Ouais. Qui nous fait le pitch? Toi. Moi? Ouais, Adrien, vas-y. Ok. Issue de secours, ça déboîte sa race. Alors d'abord, ça commence, c'est sur le tarmac. Tu vois, t'as pas décollé. Et là, après, à partir du moment où ça décolle. Ok, je vais le faire. Tu vois, mais je savais bien que j'allais partir en. En gros, c'est l'histoire de deux pilotes qui partent pour New York. Et au bout d'un moment, il leur arrive des merdes. Voilà. Donc ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Et c'est vraiment un périple de ouf. Je vous propose, c'est qu'on écoute un extrait. Ah, je t'en supplie. Allez, c'est parti. J'aime pas ma vie. C'est qui le commandant? Ah, bah c'est toi. Ah! Alors, c'est qui le patron? C'est toi. Bah oui. Alors ta gueule. Check. Pallonnier avant. Check. Derrière. Check. Jatan. Check. Bah non, suédois. Simone, vous nous apporteriez deux bourbons, s'il vous plaît. Je t'arrête, Gospard. Simone. Oh, c'est dans ta tête. Simone. Elle est bouchée ou quoi, là? Ibrahimovic, il est doux. Je sais pas, moi j'ai jamais touché ses cheveux. Je me sens parfaitement en paix et en harmonie avec moi-même. Marie, qu'est-ce que tu fais? Ne regarde pas le soleil, tu risquerais de devenir aveugle. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est la saison 8, t'es déjà aveugle. Tout va bien. Bravo. Quand t'as dit ça partait en live. Ouais, ça part tout le temps en live. En fait, ça fait 10 ans qu'on vole ensemble. C'est censé être le dernier vol du commandant de bord, donc Benjamin, et moi je suis son copilote. Et ça commence, on est vraiment dans l'amour et tout. On se dit c'est notre dernier vol ensemble. Et puis il y a un petit pet. Puis après ça part un peu en plus en live. Et puis là, paf, ça explose. Ça s'arrête jamais. Alors, comment est venue l'idée du spectacle? En fait, on a fait plusieurs sketchs. Au début, notre premier showcase du spectacle Issue de secours, c'était plusieurs sketchs qui s'enchaînaient. Et quand Georges Belair a repris la mise en scène, il s'est dit, les gars, c'est marrant, mais il faut vraiment un fil rouge, les gars. Parce que c'est. Ouais. C'est marrant, mais je comprends pas. Et voilà, on est arrivé à la première répète, on croyait qu'on allait jouer et tout, il nous a dit, non, les gars, non, voilà, faut qu'on parle, c'est pas bon. Alors, comment vous travaillez? Qui écrit? Les textes sont de vous? Ouais. On écrit tous les deux, absolument. Ouais. Voilà. Donc, il y en a un qui a une idée, par exemple, le commandant, hop, il dit, ouais, c'est marrant, on va travailler dessus. Il envoie une première ébauche, et l'autre, il fait, ouais, c'est cool, vas-y, je repitch. Et après, on travaille tous les deux jusqu'à la fin du sketch, quoi. D'accord. Voilà. Et la mise en scène se passe bien avec Georges Belair. Carrément. Complètement. Carrément. C'est un mec en or. Ouais, ouais. Il est génial. Ouais, ouais. En plus, parfois il te donne une idée. Il est là, il est posé, puis tu fais, fais ça. Tu fais. Mais trop bête idée de ouf. Et là, tu vois, c'est 50-50 carrières qui parlent quoi. D'un coup, tu te dis, bon bah le mec, il a le talent quoi. Léa l'a vu le spectacle. Ouais. Tu as aimé? Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai beaucoup aimé. Vous avez beaucoup d'énergie, mais de toute façon, on l'entend là dans l'extrait qu'on a entendu. Vous donnez énormément, j'ai beaucoup ri. T'as beaucoup ri aussi, Thibaut? Oui, j'ai beaucoup ri aussi. Le public a ri avec nous. Non, c'était beaucoup. Non, c'était super chouette. Moi, j'ai ressenti un truc en sortant. Alors, c'est super marrant. En sortant, j'ai senti la patte de quelqu'un que je connais, en fait, dans le milieu du spectacle. Ouais. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, peut-être ils ont fait la même école ou quoi, on sait jamais. Ouais. Et je me suis renseignée un petit peu, je suis allée sur Billy Reduc et j'ai vu que cette personne, c'était votre premier metteur en scène. Oui, Yanni. Oui, voilà, parlez-moi un peu de ça, parce que moi je connais très bien Yanni. Ouais. Et sans savoir que c'était votre premier metteur en scène, je suis sortie et je me suis dit, c'est marrant, ça me fait penser à Yanni Lotta, à son humour, sa manière de jouer, sa manière de mettre en scène aussi, parce que j'ai vu son spectacle, j'ai fait la capta de son spectacle même, du coup je le connais un peu par cœur. Son one man. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Il vous a inspiré, quoi. Ouais, ouais, très drôle. Et du coup, je voulais savoir comment vous le connaissez, si vous avez fait la même formation. Comment ça se fait que j'ai ressenti ça comme ça? Déjà, comme tu dis, c'était notre premier metteur en scène. Donc forcément, on a travaillé avec lui. Et en plus de ça, il a une petite partie d'écriture dans le truc. Ah, d'accord, ok. Il a 10% en tant qu'auteur. Ouais. Je vais pas te parler de pourcentage, mais voilà. En tout cas, la quantité des choses dans la dose. C'est-à-dire que Yanni a été une aide précieuse. Et il a un vrai regard sur Il a aiguisé plein de choses. Ouais. À la base, on avait quelque chose d'un peu brut et puis on a beaucoup trop bossé ensemble. Et on a dit bon les gars, là il faut qu'on quand aille un petit peu. Donc on a beaucoup bossé ensemble. Et c'était vraiment un plaisir de travailler avec lui d'ailleurs. Et c'était un peu votre premier troisième œil quoi. D'accord. Ah oui, de ouf. Ah oui, c'était notre metteur en scène. C'était son coloc aussi. Tout se regroupe. Exactement. Mais c'est fou, Léa qui savait pas ça a senti le truc. Non, je savais pas ça du tout. C'est marrant. Okay. Et je vous ai découvert aussi à la cérémonie des Petits Molières, oui. Donc une cérémonie très sympathique pour les petits théâtres à Paris. Ouais. C'est là où moi je vous ai découvert. Et en sortant de là, je m'étais dit, tiens, Benjamin, c'est marrant, tu me fais penser à quelqu'un. Ah. Je me suis dit, bon, allez. Mais tu le connaissais d'avant du coup? Mais non, mais je connaissais Yanni. Et comment tu le connaissais? Mais dis donc. Yanni, comment je le connais? J'ai travaillé avec lui. Mais elle vient te dire qu'elle a fait la capta. Voilà. En allant voir Issue de secours, je me suis dit, tiens, c'est super marrant. C'est sûr, ils ont bossé avec Yanni, c'est pas possible autrement. Ouais, ok. Bah, ouais, on a bossé avec lui. C'est marrant, comme quoi les gens ont une patte vraiment. Bah ouais, il y a une patte. Il y en a deux même. Pour marcher, t'avais pas de vanne, donc je vais peut-être. Je sentais que tu t'engouffrais dans un génial. Truc, t'étais foutu quoi. Quand il y a pas de vanne, dites rien. Voilà. Et les Petits Molières récemment, c'était une expérience aussi. Ah, c'était génial. Ah, on a vous pris un plaisir. De... On a kiffé notre expérience. Et pour le coup, on s'est dit, allez, on balance notre humour, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on change de pays. Ça a été un franc succès. Ça a plutôt bien marché. Les gens étaient ravis, effectivement. Bah, c'est ça. Si ça n'avait pas marché, en fait, notre carrière, qui n'a pas commencé. On vous aurait pas invité déjà. Ne décolle pas du tout, ça fait rien. Sur le tarmac pour le coup. On rappelle que Issue de secours, c'est tous les lundis à 20h30 au théâtre du Marais. On retrouve Benjamin et Adrien dans cette pièce Issue de secours. Hop, ma caméra, elle est où? Elle est là. Ça fait deux fois que tu le loupes, Adrien, quand même. Non, parce qu'il y a un H au début et je sens que ça va être j'ai l'impression que je vais dire un autre prénom. C'est Adrien. Le H permet de protéger le A, vois-tu. Il y a une espèce d'énergie associée. Pour vous retrouver, il y a les réseaux sociaux. Ouais, Benjamin Adrien sur Facebook, Benjamin Adrien sur Twitter. Il y a Issue de secours aussi sur Instagram aussi. Benjamin Adrien sur Instagram. Et il y a également la page Facebook Issue de secours qui a été créée hier. Qu'est-ce que vous êtes connectés, les gars? Et ouais, grave. J'adore. Enfin, on va mettre tous ces liens sur le site. Sa page Pantoufle Explosive. Cool.